Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Vos oreilles sont-elles prêtes pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue au Poste d'écoute. Je m'appelle Mathieu Plante et chaque semaine, dans cette nouvelle émission, on va découvrir les nouveautés musicales reçues à la station. Et cette semaine, on commence par un spécial restant de 2007. On a reçu plusieurs disques en décembre. Et comme l'émission n'était pas encore en onde, eh bien on a le temps de les découvrir avec vous aujourd'hui. On va les déballer, on va les écouter comme dans un vrai poste d'écoute, commençant par le début et nous rendant jusqu'à ce qu'on soit plus capable de les entendre ou encore jusqu'à une limite d'un certain nombre de pièces, disons deux ou trois par groupe. On va mélanger les styles. Cette semaine, on va commencer par un groupe qui s'appelle Theater of Idiots. Leur album, c'est We Will Listen. On va aller entendre la pièce Transparency. Et plus tard, un paquet d'autres choses vraiment géniales, dont Secret Broadcast et Drive If You Must. On n'a pas beaucoup de francophones cette semaine. On a l'album de Rudy Kaya. On va voir si on l'écoute. Je sais pas, on va voir, mais dépendant du temps. Donc, commençons tout de suite par écouter Theater of Idiots et on parlera un petit peu du concept de l'émission plus tard. Voici Transparency, c'est au poste d'écoute et c'est au 89.1 FM dans vos oreilles. Thought control in a democratic society. Compassion. Thought control in a democratic society. People behind that blackness there. democratic society. deep do you see in my mind? La formation s'appelle Theater of Idiots. Leur album, c'est We Will Listen. On vient d'entendre Mind, précédé de Transparency, les deux premières pièces de cet album, qui est sur Interdimensional Industries. Theater of Idiots, c'est un collectif de producteurs, de promoteurs et de DJ de partout dans le monde. Leur groupe, en vrai, le groupe central, a quatre personnes, mais souvent, ils sont accompagnés d'autres personnes. Ils sont des amateurs de synthétiseurs analogues, mais ils utilisent aussi quelques moyens numériques modernes et des logiciels de création audio. Depuis 2000, ils ont sorti un album promo, So Far, So What, et deux EP pour les promoteurs et les DJ seulement, qui s'appelaient Eccentricity et puis Off-Ramp. Ils ont aussi contribué à d'autres compilations et remixé d'autres artistes. Leur premier album, We Will Listen, est sorti sur Interdimensional Industries, et il y aura aussi une version vinyle. Donc, si vous êtes intéressé par ce groupe, allez voir le www.interdimensional.com/Theater of Idiots. Et je souligne que OV, c'est OV, non pas OF, comme on s'attendrait, donc Theater of Idiots. J'ai été voir leur site, il ne marchait pas au moment où l'émission est diffusée en direct le vendredi. Mais quoi d'autre? Allez voir le www.unechance.com pour les liens de l'émission, le poste d'écoute www.unechance.com. Je vous rappelle que vous écoutez la première émission du poste d'écoute de C'est fou. On est très, très heureux de vous avoir avec nous. Ce qu'on fait, c'est qu'à chaque semaine, on découvre les nouveautés musicales, on les déballe, on les diffuse en ordre de pièces, un peu comme dans un poste d'écoute dans un magasin. On aime bien faire ça comme ça. On va aussi avoir des chroniques, des segments récurrents. On va faire des combats poste à poste. C'est quand on prend deux albums, on les affronte et on décide lequel va avoir une pièce bonus. Hein? Pourquoi pas? On va aussi avoir le bloc fidèle au poste avec Danny Janvier qui va venir nous parler d'un album complet qu'il aurait écouté préalablement, hein, pour faire changement du reste de l'émission. Tout ça et d'autres belles surprises pendant les semaines, les mois et les années à venir. Le poste d'écoute les vendredis matin de 10h à 13h et les samedis et mardis après-midi de 13h à 16h. Notre prochain groupe, on va être dans notre poste d'écoute, c'est Luke Doucet and the White Falcon. L'album s'appelle Bloods Too Rich et tout de suite, voici la pièce Long Haul Driver au poste d'écoute dans vos oreilles au 89.1 FM. Well, I am a long haul driver and I'm leaving at dawn. I don't think that I will see you, so I'll leave the porch light on. I know you land at 8 o'clock, but I'll be gone by 5. I'll be waving out the window as I pass the airport by. Oh yeah, because I am a long-haul driver and I'm leaving at dawn. I don't think that I will see you, so I'll leave the porch light on. Yeah. Through Michigan to Illinois and Indiana too, I'll turn this rig towards the north, but still away from you. Are waltzing in my mind's blue eyes, strumming your guitar. 2,000 miles between us, yet I'm never, ever that far. Because I am a long-haul driver, and I'm leaving at dawn. I don't think that I will see you, so I'll leave the porch light on. Oh yeah. St. Paul, I'll be picking brown-eyed Susans by the road as twilight falls. When I pass back into Canada, well, I may stop for a smoke. Yes, I know these things will kill me, but my dear, so might the road. Because I am a long-haul driver and I'm leaving at dawn. I don't think that I will see you, so I'll leave the porch light on. Oh yeah. And I'm wishing you are with me when no passengers are riding. When my payload's unloaded safely out in St. Vital, I'll try to catch the burps at high and low before last call. Thank you. There's a fracture in the fabric of a family's old scotch pine, but it will heal if given time. Falcon avec les pièces Bloods Too Rich, précédées de Long Haul Driver, ça vient de l'album Bloods Too Rich. Donc, parlons de ce Luke Doucette, pourquoi pas. Donc, c'est son 7e album. Doucette a été nominé au Juno, hein, c'est vrai. Luke a aussi quelques crédits de production sous sa ceinture, dont, entre autres, tiens, 3 albums de NQR Buckle et 2 de Melissa McLaughlin. McClelland, oui. Donc, il a fait Bloods Too Rich en 2008. Oui, c'est déjà écrit 2008 sur l'album, alors qu'on l'a reçu en décembre, mais bon. Broken and Other Rogue States en 2005, Outlaws qui était live en 2004, The Embattled Hearts en 2003, Alloa Manitoba en 2001, Tilt the World en 99 et Hot Loser en 97. Donc, carrière de quand même une bonne dizaine d'années, ou plus sûrement qu'il avait une carrière avant ces albums-là. Voilà donc pour Luke Doucet et Blood Too Rich. Si vous voulez des informations, allez voir le lucedoucet.com et lucadoucet.com ou le sixshooterrecords.com. Voilà, on passe à notre troisième album pour cette semaine au poste d'écoute. Notre premier, c'est The Burning Hell avec Happy Birthday. Et tout de suite, voici Remote Control. Vous écoutez le poste d'écoute, ou je devrais dire, vous syntonisez le poste d'écoute au 89.fm. I can't control, and others remote control. These are the things I love the most. I want to show them to you before I go. What about a ground squirrel at the top of a tree? What about a blind fish at the bottom of the sea? What about a fossil on the planet Mars? Or a dying firefly in a dirty glass jar? I love these things more than I love you. They don't need anything, they just do what they do. Seen the blue light of the coldest kind of snow? Have you touched the hard ground where nothing will grow? Have you shivered when you walk down the road? Street lights went out as you passed below. I love these things more than I love you. They don't need anything, they just do. Some things I can't control, and others remote control. These are the things I love the most. I want to show them to you. Retour plus de Burning Hell au poste d'écoute. Vous syntonisez le poste d'écoute et tout de suite, voici une deuxième pièce de The Burning Hell, Dinosaurs, au 89.fm. Here's to all the dinosaurs that ruled the world from Timbuktu to Texas. Here's to stegosaurs and brontosaurs, and yes, of course, Tyrannosaurus rexes. Some say a meteor meant your end, some say the CIA. Whichever way it was, here's to you, because I'm hoping you'll come back someday. Here's to all the dinosaurs that play guitar in dingy bars and hotels. You never made the cover of a Rolling Stone, but you cover Rolling Stone songs very well. Arthritis may make solos tough, don't say I didn't warn ya. But don't break up the band, the free world needs you, and I still love when you play Hotel California. So here's to all the dinosaurs, you've been with us for oh so very long. Yes, this is for the dinosaurs, 'cause every dinosaur deserves a song. The Burning Hell de Peterborough en Ontario, un groupe de indie folk rock et melodramatic popular song. Oui, donc myspace.com/Mathias Com, K-O-M, Mathias Com. Les membres sont Mathias Com au ukulélé et à la voix. Il y a Jill Stavely, Charlie Glasspool, Mike Dugay, Jenny Gleason, Jenny Mitchell, Simon Cord, Adam McMarsh, Steve McNabb, Wyatt Burton et Nick Ferrio. Grand groupe quand même. Ils vont être en spectacle au Québec. Ils vont être à Montréal au Divan Orange le 27 janvier à 21h. Ils vont être aussi à Wakefield le 26 janvier à 21h au Black Sheep Inn. Ça, c'est les dates au Québec. Allez voir le myspace.com/MathiasCom si vous voulez les autres dates. Voilà, donc The Burning Hell pour un groupe qui s'appelle The Burning Hell, c'est loin de brûler comme l'enfer. Et pour un album qui s'appelle Happy Birthday, c'est loin d'être joyeux. Donc, je sais pas d'où viennent ces noms, mais quand même, donc The Burning Hell, Happy Birthday, on a entendu les pièces Remote Control et Dinosaurs. Pas exactement mon genre de musique, je trouve ça un petit peu déprimant, mais c'était bon quand même, c'était correct. On passe à 40 Birds, l'album s'appelle Shotgun Therapy et on commence ça tout de suite par Antonio et je vous avertis, ça change mais complètement de style. Vous écoutez le poste d'écoute, je vais l'avoir, vous syntonisez le poste d'écoute, c'est beaucoup plus beau, ne trouvez-vous pas? Hein, je l'avais dit, hein? Walls are built, the stains on the lights, I can change escaping restraint. dans vos oreilles. Birds avec Shotgun Therapy, deux pièces, Antonio et Period of Consequences, qu'on vient d'entendre, c'est les pièces qui ouvrent l'album de 40 Birds, qui est un groupe de Montréal, un groupe qui se dit d'alternatif progressif metal. Oui, Montréal au Québec. Les membres de ce groupe sont Matt Pelletier à la voix, Kevin Marple à la guitare, Dave Séguin à la guitare, Dave McVettie à la bass et Corey Lacombe à la batterie. Si vous voulez plus d'informations sur 40 Birds, allez voir le 40birds.com, F-O-R-T-Y-Birds.com ou encore le myspace.com/40birds où vous pouvez entendre des pièces dont Antonio, dont Period of Consequences, mais aussi Spider Hole et Deadlock. Donc voilà pour 40 Birds, groupe de Montréal. Les liens sont comme toujours sur le site de l'émission au www.unechance.com. Je vous rappelle que vous écoutez la première de l'émission Le Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. On les déballe, on les écoute dans un ordre absolument, on pourrait dire, random, hein? Ram-dam. complètement au hasard, sans aucun ordre particulier. C'est pas mal des synonymes de cette expression-là. On aime bien ça. On le fait depuis super longtemps. C'est fou maintenant. C'est dans le poste d'écoute qu'on fait ça les vendredis matins à 10h et les samedis et mardis à 13h avec moi-même, Mathieu Plante. On termine cette première heure par l'album Inside the Lines de Steve Hillian, qui m'a l'air de jouer d'un instrument. Est-ce que c'est un saxophone? Moi qui ne m'y connais pas en musique du tout. Donc voilà, Inside the Lines. Et tout de suite, voici la pièce Take Your Pick au poste d'écoute au 89.1 FM dans vos oreilles. Inside your ears. Inside the Lines. T'as pointu Inside... Non. OK, laisse faire. Steve Allium avec l'album Inside the Lines au poste d'écoute. Cet artiste vient de Vancouver, en Colombie-Britannique. Il fait dans le R&B jazz et son MySpace est au myspace.com/Steve Allium. C'est déjà la fin de la première heure du poste d'écoute à vie. Donc, regardons un petit peu vers l'arrière pour voir ce qu'on a joué depuis le début de l'émission. Theater of Idiots, leur album c'est We Will Listen. Luke Doucette and the White Falcon, l'album c'est Blood's Too Rich. The Burning Hell avec Happy Birthday. 40 Birds avec Shotgun Therapy et finalement Steve Allium avec Inside the Lines. Dans la deuxième heure du poste d'écoute, on va entendre les Rocky Fortune avec Back Off the B-Side et 40 Thieves avec Omens. Mais avant, on se quitte sur la deuxième pièce de l'album de Steve Allium. Voici Offside. Vous êtes au poste d'écoute au 89.1 FM, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Les auditeurs du vendredi s'en vont entendre les nouvelles de Radio-Canada. Bonjour, c'est la deuxième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Je m'appelle toujours Mathieu Plante et il nous reste encore 2 heures pour découvrir ces nouveautés. On a reçu plein de choses depuis le mois de décembre, donc c'est ce qu'on écoute aujourd'hui. On n'a pas reçu encore de nouveautés pour le mois de janvier, donc c'est un petit peu des restants de fin 2007. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Dans cette deuxième heure, on va entendre 40 Thieves avec Omens. On va entendre aussi la formation The Torrent. Mais on commence par The Rocky Fortune, ou encore les Rocky Fortune. Ils écrivent des deux façons sur leur album, qui s'appelle Back Off the B-Side. Et pas B-Side comme, tu sais, comme un vinyle, mais bien Abeille. C'est un jeu de mots. Back Off the B-Side. Donc, avant d'entendre des pièces de ce CD-là, ils nous ont aussi envoyé un single, qui s'appelle Merry Boxing Day. Et je pense qu'on n'a pas bien le choix de l'écouter au Poste d'écoute. Hey! Hey! So Santa Claus and Jesus walk into a bar. And Jesus says to Santa, are you buying? 'Cause I'm broke. So Santa says, man, I've got this one. 'Cause Jesus, you're a ton of fun. And frankly, I respect a man for trying and not dying. Oh, and have yourself a very merry Boxing Day. Isn't that what this is all about anyway? Have yourself a very merry Boxing Day. Sing ho! Down. Your credit cards are taking quite a beating. You swipe and sign and swipe and sign till the little black strip's overheating. Fahu Forest, Dahu Torres, welcome Boxing, Boxing Day. Fahu Forest, Dahu Torres, welcome Boxing, Boxing Day. Have yourself a very merry Boxing Day. Get all the shit that couldn't fit in Sarah's sleigh. Have yourself a very merry Boxing Day. Sing ho, ho, ho, ho, hooray. Let us make a toast to all the Christmas ghosts and to the Christmas spirit. Can't get near it. May your days be many, maybe many more than mine. And don't spend all your Boxing Days in line. Oh, and have yourself a very merry Boxing Day. Isn't that what this is all about anyway? Have yourself a very merry Boxing Day. Sing ho! side of this grave, but I know just where you're headed. You'll never get far. You'll be in like a Bolshevik and out like a czar. Out like a czar. Out like a czar. It's a red scare. Fortune avec Hot Black Blood, précédé de She Soviet et de Mary Boxing Day. Ça vient de leur album Back of the B-Side. Et à date, c'est ce que j'ai aimé le plus ici dans la première du poste d'écoute. C'est un groupe de indie soul folk rock de Calgary en Alberta. Ils sont au therockyfortune.com ou myspace.com/therockyfortune. Les membres sont Craig John Florence, Tyler John Toes, Chris Rudolph Van Burkle, Todd Norman et Steve Fletcher. Et c'est un beau petit groupe indépendant. Voilà donc pour The Rocky Fortune. Je regarde leur document de presse ici. Et voilà, ça dit que c'est allé jusqu'au numéro 1 sur les top 50, le top 50 de CJSW à Calgary. Et Back of the B-Side a été envoyé à toutes les stations campus du Canada. Il y a aussi des efforts de marketing en ligne. Et ils vont faire une tournée canadienne au printemps 2008. Voilà, The Rocky Fortune, Back of the B-Side. J'ai bien apprécié, j'ai mis un petit cœur sur le www.unechance.com qui est le site de l'émission. Vous pouvez retrouver les liens de tous les artistes et aller visiter leur MySpace pour entendre encore une fois ces pièces. Et si c'est pas assez pour vous de réentendre ces pièces, eh bien, vous pouvez aussi écouter le poste d'écoute en rediffusion les samedis et les mardis à midi, parce qu'on est en direct les vendredis matin à 10h. Voilà. On passe à un autre groupe qui s'appelle 40 Thieves. Tantôt, on a écouté 40 Birds, et bien là, c'est 40 Thieves. Leur album, c'est Omens, et en fait, c'est pas vraiment un album, c'est plus un maxi de trois pièces, Mia, Ghost, et on commence tout de suite par Ring the Alarm au poste d'écoute. Émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous au 89.1 FM dans vos oreilles. Just go. The days get longer, but tonight feels so. 40 Thieves avec l'album Omens, le EP Omens et les pièces Ring the Alarm et puis Ghost, ce qu'on vient tout juste d'entendre. 40 Thieves, qui est un groupe de Edmonton, il s'appelle eux-mêmes un Power Trio de Edmonton, avec Grant Callahan, Lee Klippenstein et Caleb Newmeyer. C'est leur premier EP, leur premier maxi de 40 Thieves, oui, Omens. Ils ont été comparés, selon leur document de presse, à des héros comme The Clash et The Jam. Et ils mélangent un petit peu avec du reggae et puis The Boss. Hein, voilà. The Boss. 40 Thieves, j'arrive pas à dire 40 Thieves, hein, c'est vrai. 40 Thieves font une tournée pour Omens pour le reste de l'année. L'album aussi a été envoyé à toutes les stations de Radio Campus à travers le Canada. Ils sont sur la même étiquette que ceux de tantôt, là, The Rocky Fortune, avec Back of the B-Side. Donc, ils sont ensemble, des petits amis. Et c'est un groupe qui vient de Edmonton, en Alberta. C'est un groupe de rock punk. Et puis, si vous voulez aller voir plus d'informations, c'est le myspace.com/40thieves. On passe à une autre formation qui, celle-ci, est aussi canadienne. Elle est de Toronto. C'est The Torrent. Et j'aime bien la pochette avec un gars dessiné sur un fond rouge, dessiné genre au crayon de feutre. Et le logo de The Torrent, c'est sa barbe. The Torrent est écrit dans sa barbe. C'est très, très beau. C'est un groupe de pop-punk. Ils nous ont envoyé un EP qui s'appelle EP 07, EP 07, et les voici à l'instant avec Catherine Deneuve au poste d'écoute au 89.fm. Retour plus de Torrent et Ace Cube. Au poste d'écoute. Vous synthonisez le poste d'écoute et tout de suite voici une deuxième pièce de The Torrent, Music Machine. Machine. phone or the ringtone that you call your own. Yes, the music's in you and the music's in me. That's why I love you like a music machine. We get replaced by a music machine and we're the only two left on the human scene. Well, I can play you and you can play me, and I can love you like a music machine. The Torrent avec leur EP 07. Et deux pièces qui viennent de ce EP, Catherine Deneuve, et ça c'était Music Machine. Deux pièces, TheTorrent.net. The Torrent qui est un groupe de post-punk, selon eux-mêmes. Ils viennent de Toronto, en Ontario. Les membres sont Tara Azzopardi, Michael Edward Berry et Cameron Groves. Vous pouvez aussi aller voir le myspace.com/TheTorrentRocks pour entendre des pièces dont Catherine Deneuve et Music Machine, mais aussi I, You, Me et puis Pairs. Très très beau. C'est un trio post-punk de Torrent qui vous présente de la guitare qui crie, des violons mélodieux, des voix dramatiques et un synthétiseur, en tout cas un paquet de beaux petits agressifs comme ça. Leur EP est sorti en octobre dernier. On vient de recevoir ça ici assez fou. Et c'est entré directement au numéro 12 sur CHRY Top 30. Et au numéro 9 la semaine d'après. Regardez ça comme ils sont heureux d'être rendus au numéro 9. Peut-être. Peut-être, qui sait, seront-ils plus haut dans d'autres stations. Un album complet devrait sortir au printemps de cette année 2008. Les MP3 en haute qualité du EP 07 sont sur leur site web, thetorrent.net. Maintenant, on passe à un autre groupe, encore une fois canadien. On a reçu beaucoup de musique canadienne en décembre, parce que là, ce qu'on fait, c'est les restants de décembre, parce que janvier est commencé en théorie. On n'a pas encore reçu beaucoup de nouveautés. On va entendre de la musique de club, si ça vous intéresse. La formation s'appelle 8Cubed. Leur site web est au 8Cubed.ca, C-U-B-E-D.ca, 8 au cube. Et la pièce, en fait, c'est encore juste un simple. C'est triste quand les groupes font juste un simple. Hein? Mais voici, on va voir si c'est triste ou pas. Allons entendre Lightbulb Toddlers tout de suite au poste d'écoute au 89.1 FM dans vos oreilles. 8Cubed avec la pièce Lightbulb Toddlers de leur EP, de leur single 8Cubed. 8cubed.ca, c'est leur site web, ou myspace.com/8cubed. Vous pouvez entendre des pièces dont Heart Invaders. Ça a l'air bon comme pièce Heart Invaders. Hein? Pourquoi pas? Ça dit que c'est de la musique de club, évidemment, et ça dit Computer Speak. Hein? C'est de la musique d'ordinateur. 8cubed. On passe maintenant à une autre formation. Celle-ci s'appelle The Hives. Hein, et Spin Magazine leur a donné 4 étoiles et demie. L'album s'appelle The Black and White Album. Mm-hmm. Mettons en vedette, incluant les succès Tick Tick Boom, Won't Be Long et The Hives. On commence ça par Tick Tick Boom parce qu'on les écoute en ordre, comme dans un poste d'écoute. Parce que c'est le nom de l'émission. Le poste d'écoute au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Troy Green. Here's here, honey, but I'm out of your league. of madness is doing the same thing and expecting a different result. That's right. Do I go? The Hives dans le poste d'écoute avec leur album The Black and White Album. On a entendu les trois premières pièces, Tick Tick Boom, Try Again et You Got It All Wrong. Hein, le Black and White Album de The Hives. C'est un groupe de rock de Suède. Ils sont au thehivesbroadcastingservice.com ou myspace.com/thehives. Si vous voulez plus d'informations et pour entendre des pièces dont Hey Little World, Well All Right et Try It Again. Hein, The Hives, leur album The Black and White Album. C'est ça qui est ça. Allez voir le www.unechance.com si vous voulez les liens de tous les artistes qu'on a entendus jusqu'à maintenant. On va presque terminer cette deuxième heure par le nouvel album de la formation Ween. Et il me semble que Ween, c'est bon. Et celui-là s'appelle La Cucaracha. Je crois que ça veut dire la coquerelle. Si je regarde l'album, parce qu'il y a des coquerelles partout là-dessus. C'est tellement appétissant. On commence par une pièce qui s'appelle Fiesta et ça commence de façon très, très enjouée tout de suite dans le poste des couteaux 89.1 FM. We'll be right back. américaine Ween avec la pièce Blue Balloon précédée de Fiesta. Jusqu'à maintenant, c'est ce que j'ai aimé le plus dans l'émission de cette semaine. Donc, ça pourrait être notre choix, notre sélection de la semaine. D'ici la fin de l'émission, on va couronner le grand gagnant. On pourrait dire le poste d'or ou je sais pas. Donc, Ween, un groupe de Pennsylvanie. Si vous voulez plus d'informations, c'est le myspace.com/Ween ou le Ween.com. Les membres sont Gene Ween, Dean Ween, Dave Dravitz, Claude Coleman Jr. et Glenn McLelland. Ils seront pas en spectacle au Québec pour l'instant, mais surveillez le MySpace pour savoir quand ils seront là. Dans cette deuxième heure, on a entendu les Rocky Fortune avec leur album Back of the B-Side, 40 Thieves avec Omens, The Torrent avec EP07, 8 Cubed avec un simple, The Hives avec The Black and White Album et Ween avec La Cucaracha. On termine cette deuxième heure par le Altisys Jazz Orchestra, leur album Watercolors et la pièce Body and Soul. Et dans la troisième heure, on va entendre Drive If You Must et Pine Tarts. Donc, restez avec nous pour ça. Les auditeurs du vendredi, ça va entendre les nouvelles de Radio-Canada. Restez avec nous. C'est la troisième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. C'est notre première émission cette semaine et en tant que première émission, là, ça va très bien. On a des bonnes choses, on a entendu des affaires vraiment intéressantes. Dans cette troisième heure, on va entendre la formation Telly, Secret Broadcast, Pine Tarts, mais on commence par Drive If You Must. Voici leur album éponyme et la pièce Glorious au poste d'écoute au 89.1 FM dans vos oreilles. Et on couronne le poste d'ordre si la fin de l'émission, faudrait pas manquer ça. I used to throw down in the city, fighting the traffic and the summer haze. It isn't easy staying pretty when the parties last all night. In some times, days. I tried to tell you there was no way I could not stay. I'm in the mountains, the air I'm breathing's glorious. Even that ain't worth the city. I had to go, you know. Formation Drive If You Must avec l'album du même nom. Ça ressemble à un EP que 7 pièces ou 8 là-dessus. Ah, ça pourrait peut-être être un album, mais bon, les pièces ont l'air courtes. C'était Glorious et puis ça, c'était Mississippi River. On s'en va entendre la pièce Yoke. Tantôt, restez là parce qu'on va entendre du Pine Tarts, du Secret Broadcast et du Telly. Ça va être une très, très bonne fin d'émission. Il nous reste à peine une quarantaine de minutes à cette première du poste d'écoute au 89 FM dans vos oreilles. grand première pièce du nouvel album de Drive If You Must, Glorious Mississippi River et puis Yoke. Très, très bon. J'ai bien aimé Sarah McGlynn, Rich Rabnett et puis leurs amis collaborateurs. myspace.com/driveifyoumust. Et puis c'est un groupe qui vient de Nelson en Colombie-Britannique, un groupe d'électro-acoustique Live Electronics New Jazz. Drive If You Must, leur album est éponyme. Voilà pour eux, j'ai bien aimé, je mets un petit cœur à côté de ça. Vous pouvez suivre les petits cœurs que je mets sur le www.unechance.com. C'est aussi là-bas que vous allez trouver les liens vers les sites de tous les artistes, chaque artiste qui joue dans le poste d'écoute. Et il y a aussi la balado-diffusion qui est disponible après l'émission pour entendre à nouveau en MP3. Et parlant d'entendre à nouveau, mais cette fois pas en MP3, je vous rappelle que le poste d'écoute est en direct les vendredis matins de 10h à 13h et en rediffusion les samedis et mardis. Dans ce cas-ci, c'est les samedis 5 et mardi 8 janvier de 13h à 16h avec moi-même, Mathieu Plante. On passe à un deuxième album pour cette troisième heure, c'est Pine Tarts. Ça dit Twinkling Shambolic Riff Driven Garage Pop de Calgary. Rambunctious Romantic Songs, des chansons romantiques qui parlent de beauté et d'exil, de chance, de destinée, de vin pas cher. C'est tellement beau, de vin cheap, dit cheap wine. On écoute tout de suite la pièce Aurora Borealis / Lit a Path de l'album éponyme de Pine Tarts. Et ça commence maintenant au poste d'écoute au 89.1 FM à Trois-Rivières. retour, plus de Pine Tarts et le combat poste à poste de cette semaine, Secret Broadcast contre Telly. Tout ça et on couronne le poste d'or au poste d'écoute au 89.fm. Vous synthonisez le poste d'écoute au 89.fm. Les deux premières pièces de l'album The Pine Tarts. L'album est éponyme et les pièces, c'était All the Beautiful Ones, précédé de Aurora Borealis / Lit a Path. Oui, des fois, il y a des affaires qui sont un petit peu dures à dire en anglais. Que voulez-vous, c'est comme ça. Pine Tarts, un groupe de indie folk punk de Bankview et Calgary en Alberta au Canada. Les membres sont J.J. Powell, Prince Adam, Laurie Fur et Jen Pauly même. myspace.com/PineTarts, c'est leur seul et unique site web. Si vous voulez aller écouter des pièces dont Aurora Borealis, Goodbye Kitty et La Neige la Nuit. Ah, j'aurais aimé mettre la pièce La Neige la Nuit, mais que voulez-vous, on n'a que 3 heures, il faut couper en quelque part des fois. Et parlant de couper en quelque part des fois, non, pas du tout. C'est l'heure de notre combat poste à poste. Vous l'avez certainement entendu dans les publicités, là, il faut le faire, ce bloc-là, une fois de temps en temps, le bloc poste à poste. Ça, là, c'est, on prend deux albums, d'accord, avec un thème en commun, là. Dans le cas de cette semaine, c'est les médias, le thème, d'accord? On a reçu un album d'une formation qui s'appelle Secret Broadcast, diffusion secrète, hein, qui s'appelle Plastic Fantastic. On a reçu Telly, avec leur album éponyme Telly, et on va les faire s'affronter. Ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on passe une pièce de chaque album, et après ça, on décide, on a deux cases après. Et soit on va jouer deux pièces de Secret Broadcast, soit deux pièces de Telly, ou soit une pièce de chacun, d'accord? Si on sépare le vote en deux. On commence donc par Secret Broadcast. Leur album, c'est Plastic Fantastic. Et voici tout de suite Big Bad Man au poste d'écoute au 89.1 FM dans vos oreilles. Le poste à poste. Le combat poste à poste, ça c'était Big Bad Man de Secret Broadcast et tout de suite voici Telly avec Hello Hello. Qui sortira gagnant de ce combat poste à poste? La réponse juste après au poste des couteaux 89.1 FM. Have no- Telly avec Hello Hello de leur album éponyme et c'était précédé de Secret Broadcast avec une pièce de l'album Plastic Fantastic. C'était Big Bad Man dans le combat poste à poste à l'émission Le Poste d'écoute. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait s'affronter là deux albums avec un même thème, le thème de la télé, des médias, la télé et puis Secret Broadcast. Moi, j'ai préféré le premier Secret Broadcast et pas mal beaucoup. En même temps, j'hésitais parce que je me disais peut-être qu'on pourrait faire un ex aequo parce qu'on a le droit. On a deux cases, une, soit une pour chaque ou soit deux d'un côté ou deux de l'autre. J'hésite encore. Je vais commencer par passer la deuxième pièce de Secret Broadcast. Voici I Am Sound au poste d'écoute. Émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous au 89.1. As I get my fix, I'm transfixed by the sound around me. Downtown is moving kind of quick. The trick is to let it move me. Those clowns looked around. It seems to me that they're afraid of breathing. So chic, they think that the stairs could ever change me. D'accord, j'ai craqué dans le combat poste à poste. Je vais faire jouer aussi une deuxième pièce de Terry. Voici Notice. Au poste d'écoute au 89 FM. Deux gagnants, ex aequo. C'est bon. C'est comme ça qu'on aime ça. C'est comme ça qu'on aime ça. De leur album éponyme. C'est une partie nulle pour notre combat poste à poste. Juste avant, on a fait s'affronter là, Secret Broadcast avec l'album Plastic Fantastic et la pièce Big Bad Man. Et après ça, on a joué Telly avec Hello Hello. On a décidé que c'était une partie nulle, donc on a entendu une deuxième pièce de Secret Broadcast qui était I Am Sound et Telly, c'était, comme je viens de le dire, Notice. Il nous reste à peine un tout petit peu, un petit trou de place dans cette première émission du poste d'écoute pour écouter Sudden Infant Dance Syndrome avec Too Many Babes. J'aimais bien le nom de ce groupe, Sudden Infant Dance Syndrome au lieu de Death Syndrome. Et quelque chose d'assez lugubre, disons, comme idée. Tu sais, le Death Syndrome, vous savez ce que c'est? Bon, si vous ne savez pas, renseignez-vous, c'est, ça arrive à des enfants des fois. Donc, de l'album Too Many Babes, voici Neil Hammer, Too Many Babes et Brad Pitt dans le poste d'écoute. I'd rather be a nail than a hammer. I'd rather be a nail than a hammer. We'll be right back. Sudden Infant Dance Syndrome avec l'album Too Many Babes. On a entendu les deux premières pièces de l'album, Neil Hammer et Too Many Babes. Il nous reste assez de temps pour entendre Brad Pitt. On va faire ça dans quelques secondes et ensuite, on va terminer avec notre poste d'or cette semaine, le grand gagnant là. Je le révélerai pas tout de suite à l'instant, je vais faire un résumé de ce qu'on a entendu dans la troisième heure avant. On a entendu Drive If You Must avec leur album éponyme, Pine Tarts aussi éponyme, Secret Broadcast avec Plastic Fantastic, Telly avec Telly, Sudden Infant Dance Syndrome avec Too Many Babes et, je le dis maintenant, le poste d'or de la semaine, c'est Ween avec La Cucaracha. Ça a été quand même assez facile. Le seul autre petit cœur que j'ai mis dans ma liste, c'est les Rocky Fortune. J'étais correct. Donc, si vous voulez aller voir les sites web de tous nos artistes, allez voir le www.unechance.com. Il y a aussi la balado-diffusion en MP3 qui est disponible sur le même site, unechance.com. Et c'est le même site que pour La Connexion et Les Palmarès, c'est fou, les deux émissions où je vous retrouve, comme par hasard. À La Connexion, l'émission de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, ça c'est en direct les jeudis à 11h et les mardis à 9h en rediffusion. Les Palmarès, c'est fou, c'est le vendredi soir à 17h et le poste d'écoute est en direct le vendredi matin à 10h et en rediffusion samedi le 5 et mardi le 8 janvier de 13h à 16h. De la part de toute l'équipe fictive du poste d'écoute, mon nom est Mathieu Plante, je suis en train de vous dire faites attention à vos genoux, bonne journée et bonne chance! Friends in life are special. just an object to me. I'd like to get to know you better. Paste you across my body. You're just an object to me. You're just a piece of me. And I am a butcher. I love you better. Love you forever. You're just an object to me. Just an object to me. I feel a little better. They found your sweater. You're just an object to me.